Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. On se retrouve pour Hent à Brezhoneck. Alors cette fois, c'est ni Josette, ni Anne, ni Morgane. C'est Christian qui s'y colle, entre guillemets, avec plaisir. On avance, et on est à la 498e émission. Voilà. Père Hamtriver à Perugen. Oui, et alors aujourd'hui, dans Guerriot hors vue, on va parler d'un mot très répandu qui est Mest. Mest, M-E-S-T-R. Hein. Donc, qui a plusieurs sens en breton, on va le voir ça. Donc c'est un nom commun masculin, Hermest. Hein. C'était le nom d'une pièce de théâtre, Hermest. Hein. Hervobag en oeil. Voilà, donc c'est un emprunt au vieux français, c'est pour ça qu'il y a un S. C'est un maître, hein, qui est maestro en italien. Hein. Voilà, et donc qui vient du latin magister. Hein. Magister dixit, on disait, quand il n'y avait plus de discussion possible. Le maître l'a dit. Voilà. Alors, un pluriel irrégulier qui est mistri. Hein. Mistri, les maîtres. Maître, hein. Et avec l'article, ça donne leur vistri, puisque c'est un pluriel de nom de personne qui n'est pas en ou. Leur vistri. Hein. Par exemple, il y avait Sco le vistri, hein, c'est l'école normale. Là où on formait les hussards noirs de la République. Voilà. Alors, il y a deux sens, hein, comme en français. Deux sens qui sont un peu liés, d'ailleurs. Mais enfin, le premier sens, c'est le chef, hein, maître sur un certain nombre de personnes. Hein, et le deuxième, c'est l'aptitude. Hein, voilà. Par exemple, Iwan Domas, ou Mess, ou André Jengol. Hein, c'est la, le meilleur, voilà. L'aptitude, hein. Et d'ailleurs, dans l'idée ancienne, le compagnonnage, c'est un peu ça aussi, quoi. C'est-à-dire que, à la fois, on est le maître de l'art et le maître des autres, puisque on est récompensé par le titre de maître, hein, quand on est le maître de son art, ce qui permet de... Aujourd'hui, les hiérarchies sont un petit peu bousculées, c'est plus tout à fait ça, mais autrefois, c'était ça, hein, dans l'artisanat. C'est très employé, hein. Mestenti, hein, ça c'est Piuso Mesbanti, hein, on disait autrefois. Voilà, Mestevro, hein, Mestevro, le maître du pays, on disait pour le roi par exemple, hein. Mestlerien, hein, Mestlerien, le chef des voleurs, oui, hein, dans les comtats d'Hainaut, on trouve ça souvent, hein. Mestbag, hein, c'est le capitaine d'un bateau. Hein. Mestier aussi. Mestier, c'est un magistrat de façon générale, hein, c'est pas forcément le maire. Mestre Berour, hein, maître d'œuvre. Oui, je disais tout à l'heure, Mesoirevro, hein, dans un conte, on dit Loïs Pevars, Mesoirevro à Gnoblance. Louis XIV, hein. Voilà. Mest Kéménère aussi, hein. Dans tous les métiers, il y avait comme ça, hein, des maîtres. Hein. Et alors, ça, c'est le premier sens, hein, et le deuxième sens, hein, qui est non partis, hein, au barigues, hein, à peu près. C'est l'expertise, hein. Mestoir Andra, Mestoir Nars, Mestoir Orbin Vogbaneken, hein. Voilà. Donc, un mot qui est très employé, hein. Et puis, qui est, comme je le disais, venu, qui est un emprunt au vieux français, quoi. Alors, divers, il y a Mescol aussi, j'allais oublier, hein. C'est très important, hein. Ici, d'ailleurs, on disait toujours mescol, hein, on disait pas scolaire. Scolaire, ici, c'est l'écolier, justement. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà. Mescol, hein. Or, vistri, scol, comme je l'ai dit, la scol vistri, hein, l'école normale, quoi. Il y a aussi le mespian. Le mespian qui est le cochonnet, hein, aux boules. Hein. Et alors, c'est assez marrant, là, parce qu'il y a une mutation en paix qu'on retrouve dans Hindpras, par exemple. Hein. Oui, en Mespian, hein, donc dans Mapian aussi, hein, au sens le petit-fils. Hein. Il y a Mabian, c'est le fils qui est petit, et Mapian qui est le petit-fils, quoi. Voilà, alors Mespian, hein, donc, bien connu. Hein. Ici, on dit plutôt le Pino, hein. Le Pino, hein, voilà. Voilà. Et pour terminer, un Mesmenuser, qui est un instrument pour reporter des longueurs, qui est le Trusquin. En français. En français, oui. Mesmenuser, oui. Eh bien, on va s'arrêter sur le Trusquin. Deuxième partie de Henta Brezonek, c'est Brezonek Tom Atom. Un Brezonek Tom Atom un peu spécial aujourd'hui, Henri. Spécial aujourd'hui, oui. On a fait une petite veillée à Pomerit, là, dernièrement, pour Marcel Guius. Et j'avais fait une petite chanson sur Marcel. Alors, j'aurais envie de lui dédier ça aujourd'hui. Et donc, je vais tenter de la chanter, quoi. Si je retrouve le ton, toujours, hein. Donc, c'est sur l'air de Tournerost, hein, qu'on chantait dans les mariages. Hein. Voilà. Chilo, weta, tu te causas, tu dio, wang, organ, owen, zo, bezavet, vidin, orion, den, mesker, ewellan, com se rende de Marcel, ya de Marcel Guyous, ya de famille, oui, ouz, des Marcel, rendeur brudet, un ini, wang, quand, de ze neis, croix Bégan le ta ma gueule, gan y vend ma guidade. Ur blat trégon ne neize vis heré, de rog voir la rue un gos, e wagan de Marcel, e parouz la rue un, a der ma de bichon, me doar dou a revro fange. Marcel Guillouz, un y gavel, de spesso bé de la varetine, un gros gaz de ganan, un éque de wélan, tiens noa bézoueze, d'un dro des ans. Bugle zéver oua Marcel, ne oua tam droug bé des noms. Gantou diga malade, ne meus clève de ma meus combs, ne sque d'oire ur bé de mangue, ouel ordine vin Marcel. Marcel neus bez la bourre, pas di vue et barz ur feur. Ur zav ur zaud an par des atomes de zilon neut. Pligeur à dans Ivicheur, à Bévent, war ur mes. À Bréman, roisoir, il est vé. Oblige dans Combes de Zendouard. Deux œuvres deux alonnes, d'a deux buées un dut. Gantan meus bépligea, du rag disque calzedro. Marcel ne velait que gwals clair, mais disis quoi ne wa gwalem. Abré des bédiden, gande hanno et nous. Ar ne la quelque dames, heure de zis qui a home joue. Disque neus bé de grandeur et gauze, guerz du waton, niou de zansal. Happy va ve au père, au rendeur de zevro, ne han vige plija, du racals sartige. De galze du de neus disquet, quand en guerz you à ton you danse. Ton you fange, ton you ficelle, à ton you gavoten. Alice ve gwellen, gante war le run. Et oua bécrou d'Erkabé, gant ne betu de zevro. Un homme esque oua Marcel d'Ermat presse de Zicour. Abré preloir un dash, un veca venu d'une dé. Vraiment Marcel oui vos fils sourd, oua un arzou à l'isiri. Vide la bourpeuse graine, oui vos inoreutes. A tout au mignon neutre, zolo un évidor. À ma vangue d'argout à clèvet, puis ne savent leur gant d'ouen. Un dîne de zeuvre oublie, un dîne ou à l'air iguan. Un rogue monde de gousquen, ne stape dit bluen. Troisième partie de Henta Brezonek Petezone Veavro, donc c'est une chronique de l'actualité sous toutes ses formes, agriculture, culture, économie. Alors on t'écoute Henri. Petezone Veavro, calzedrao evel jus boerve, je dis vous en. Krogom de diantan evel kiz a custum gande la bourdouar a gevu e war armez. Eruom breman bane veam zor de vat. Tramne de e gwan, virion e neuske be gwan bet. Plus dur ne que beyi ne namzer. À Gachom et les douze noms ont pas dormi du. À Bréman, et à une de nature, à Prestige Vogel, d'un dut, au labour à la parquet de Revro, à Gazizon Dravard et Veljust. Bavro, on me veut, brude de Revro, au brude de Vidorgiste, plus dur, on me veut Gredgiste Pelzo, hein. Mais, puis, n'est que Renard veut Tiemet, veut Gred Guin Ivea. À Gazé, n'est que dans Renard veut Grand Calze Dud, hein. Avec trop Alice de d'Evanguin de Sbreis Geba de Sbronan ou le de Vegret Guin mais il y a me sera Vegret un temps au Bébler hein. Aga vraiment zo or Gevridiges de Zoré à Raguin ba Breis hein. Or Gevridiges et NARVB hein, qu'Evridig strolatu de Borguin Breis. Hag bon Gérard au président de Gevridig, hag bon bon beplav be vegre de nem vod grante avec en fait guin vegre dans tombe partout bavro hag matresen ma doma ce que l'amzer matresen te braise de vous d'orvro vidor borguin ouais quel de vous hein j'ai fait mes fins tu soir même stra bon à content voir même station braise ve produ et calze ed ou beb sort hein vel guini segel hey tier maïs mais bet a vraiment avec gret calze ris avec gret tombe mames a vraiment zone din ba evran zeso ba odo narvor ba reterono narvor a ge dominique reis i hon a ge zo change al obor rizière an de scrog de boris ba en ba evran ya ag bon maison grand wenou à Brise au moyen de garderies de Brise bon on tombe là pour et puis j'aurais red cordour rise et dray bandour hein mais de bon ma 13 norvège penais que de vos rise bah Brise avec prestique vos carves doit marad artichaut un artichaut au blanc de naveau au bon cuisse moi rond de zibi artichaut bah Brise hein Ah, mais blanc me vocave de Owen Neve et Owen Cardinal. Zobé de Crouet, gant un OBS, hein, des organisations bretonnes de sélection. Ag un artichaut de Zeus au rue, enfin très rue à Mouk, hein, ag de Zmesclève des Gualvates y bien. Bon, Redelard, on dra, hein, Perrugendregand de son artichaut de Grès de Provence, vé produit dans ma Brice. À cette tubone voilà rez au Wenneve as au hound cardinal Wardash en Andro vraiment Nevesos au bid parce que de clave de comme de ces matrezen six une hebluser archimique pas dans une vit pas en la cat loser chimique pas dans une mais là que dit je mieux dans une alerte quelque bon mais bon ag P.O.A.B. Grès de Nauvergne-Vras, ou à Raoul de Grenelle de l'Environnement, ou à Bélard, le fait Grès de Digrès qui, de ce Nantes, implique l'usage chimique. Un chihuas n'est que d'un trop tombé ou un tuse, puis d'y aura contre les, un cresqueneuse implique l'usage chimique de Provence. Ag, Grès de l'art de Stalio, ra produit ou ze, vel Monsanto, ze Gualgrin, à Calzer, en Nogne, et vide au Bruder, c'est une bonne, n'est que gonné de Nafarroise, Ganzé. Wardash, or politiquer, vraiment, végénambs or contendard de ze nen broa de le Kreis Breis, un RN 164, velvelard en Galaglour, hag, ondeen zo sturm, ou avid de nen ze pelzo et Jean Hourman. Jean Hourman, zobé de mer par de pelle, hein, spen pempla warnug, une maison, bah, plonévé en fau, hag zo sturm, d'augen lasso, vide, pe mur, ras, matrezen, vide nens. Hag, bon, manier d'ipit, de vraiment, qu'a, un trou nant, qu'y a gualvounis, tom à tom, ve igor d'au kilomètre, pe, ave, gel, un tom, guel visé, mais, n'a que gualvounis, un trou. Hag, jusma de Erwan Chartier, de scrive de Lever, ou arbu et Jean Hourman, hein. Jean Hourman, so aïs, pen perrugue, là, et sa perrugue, une maison de blâme. Hag, ne scrive de Lever, so rendre de Jean Hourman, mémoire d'un irréductible breton, quoi. Hag, Lever, so imbande, quand Cobb Braise, hein. Bon, c'est-tu, bon, Lever, mort de laine, quoi. Bon, Jean Hourman, de la bourrecale, c'est vite zé, quoi. Sturm y vu et zé, quoi. Bon, vite chon mon temps, moi, nars ou ag, lian moutré nars ou ag un économiste, très gon, pèse main grun, zo bet digas, ne vaisso, ba carnouet, ba trogne norzent, ag rin, zo implige de zéra pem canton, main grun, Zo ben ik als het maar kan nooit. Er is wel een plezier door te leven nu. Vider zijn, voor gret, plezier blanc, maar me zang, voor gret pemsig. Ag pezio men zo dus rien zo de tout de sbrise hein men grun glas de landelin men grun rose hein men gwen de nuel guat men grun loue de glas de louvigné men grun melen de languedia ag orpes men opes men grun du de nuel guat. Agarin, vous qui êtes, bonne, vidor, zen, neve, carnoët. Puis il y aura une jonge de garde can, rogue, benarblad, au ville triver. Puis il y aura un, vos leads d'un degla, orgevridiges. Bonne. Péon de combe, justement, de zor, t'élevé, nous, grand meigne, bah, carrez, vos grèdes, n'est que de zen, vejme, mais cycliste, d'un. Puis, y'a vos guèdes, un delven, grand Luzon Bobet, Jean Robic, à Bernard Hinault. Jean Robic, je m'en demande, passe 200, mais puis, y'a un yo, un mat, de Hulse, mais vijé, de Hulse, tout une dut, chilo, et une tour de France. A Vigelard, allez Robic, moi, de Hulse, one young, one bugle, même, hein, avec Jean-Jemot, Jean Robic, calce du doigt, du, vite Jean Robic, ya, bon. Chaumon Montem, war dachen, zévenadur. Tramene de Orguel, zobé de Gret, Vidinor et Marcel Guyouz, hein, avec Vireidan, Vedaïen, officeur, war Lisiri, avec Narzou, hein. Bon de Gwenor de Nonge, ou à Begret d'Orveillade, Babour Purut, ag bon à Zezo Beclève, Tud, au Can, Son, l'Art Contadeno, hein, à Calze Bijad, Urzobet, ag bon, un de Waller, ou à Rode, Orveillade, un de Marcel, ag ou à Bédor, Pes, Fesdé, à Fesnonge, hein, bon tram de mât, tout un trou à Ose, de Gander Kabé, hein, ag ou à tram de mât, tout un trou. Hendel Péon Combs de Stud au Canon, hein, Catherine Duro de Gronvel Zouette en Angle. Catherine Duro et membre Christian Duro, hein, Zone d'Ortre Jeune Gauls en Armat. Ima Pian au Canon arrivé, hein, Gaël. Bon, Catherine Duro à Hanavan Mod, hein, avec Caner et Bavro. Hein, bon, aidé de Nanang vraiment. On denel à zo bruit de tri bavro bromen et Yassan Guégan, hein, plus dur Yassan Guégan zo zon d'autre jeune gaul zo war ninico sans de zo zon aérien de zo roi zo son d'autre jeune gaul ag bon blanc me m'en vais de pays de gant Tristan Gloagin de ba Nevéam zo castel Nevé, ya. Pélar in mode, ag bon, der a zon, hein, ag la rendan chansoir de der a zon par de pelle, ag bon, Yassan Guégan, zo, de zo famille, ouais, famille zonère, y'en oua, hein, grande oua ba plonne, hein, a bétchon ba très mal, gade, bon, au vige, moi, gré de Honcourt, très jeune gaul, grand temps ba gronvel, hein, au ne babla, y'a ouzo, ouais, me sera. Bon, quand l'assaut, quand l'assaut ou abe de Krog de un dispar babro ba Iwerson ag vide l'une vasque, hein, ag zobe de bonnes et zobe de rad d'aide de jonge d'un dude, hein, ag jusmad zotude de zbro Iwerson Urmar et moi Brace, puis dur zotude ag ou abe gevel de Parouge ou la rue un tiers gris très mal à la purue de très grand de l'assaut. Gander Parouge ou de ce Broyerson, a setu on mignon de ce Broyerson, zo deux torrentam trop, un DL ou a fez non ce baquer gris, ag bon, a part de zun, zo emgavio ou gander tu de ce Broyerson. Bon, setu caradine me gagne on tam trop de spesso neve bavro, ben vegel volar a roas.